Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. En ce dernier jour de l'année 2014, Franck Ferrand nous raconte la belle histoire du champagne. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons vous raconter en effet la saga de ce breuvage qui ce soir, dans vos coupes et dans vos flûtes, c'est en tout cas tout ce que je vous souhaite, va pétiller. Mon dernier invité de l'année, Nicolas Drabaudy, est gastronome. Il est spécialement connaisseur des bubules. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Quentin. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission à propos des traditions de la Saint-Sylvestre. Admirez un peu notre sens de la propos. Parmi ces traditions, il en est une qui me plaît bien, c'est celle de faire sauter le bouchon. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. De champagne sont vendus chaque année dans le monde, dont près des deux tiers rien qu'en France, on ne le soulignera jamais assez. Ça fait plus de 1000 bouteilles toutes les deux minutes. Le bouchon, le pop, la mousse, les bulles, le rafraîchissoir, les coupes ou les flûtes sont devenus presque partout sur la planète signes de fête, de succès, de joie, de célébration. Et je ne suis pas certain qu'il existe en matière de marketing plus bel exemple de réussite absolue. Le vin de champagne, léger, aérien, pétillant, accessible pour les crus ordinaires et en même temps synonyme d'extraordinaire, ce joyeux breuvage fait partie depuis des siècles de notre patrimoine immatériel, ce qu'on appelle l'art de vivre à la française. Or, s'il y a longtemps que l'on fait du vin dans la région champenoise, pourtant septentrionale, ce que Pline le Jeune mentionne déjà, le vin d'ail, notez bien que jusqu'au XVIIe siècle, ce vin n'était en rien effervescent. Et puis soudain, voilà ce qu'écrit Voltaire, on est en 1736, Voltaire écrit ceci dans Le Monde. « Chloris et Glé me versent de leurs mains d'un vin d'ail dont la mousse pressée de la bouteille avec force est lancée comme un éclair fait voler son bouchon. » Il part, on rit, il frappe le plafond. De ce vin frais, l'écume pétillante de nos Français est l'image brillante. Mais alors, d'où nous vient-elle, cette pétillante écume? La réponse que l'on donne généralement est la suivante. Elle est le fruit de l'expérience et des expériences d'un moine bénédictin, Dom Pérignon, qui se trouvait être sous Louis XIV, célérier de l'abbaye d'Auvillers. Quand je dis sous Louis XIV, ce n'est pas sans raison, puisque Dom Pérignon est né, semble-t-il, à la toute fin de l'année 1638, et qu'il est mort en septembre 1715, ce qui fait de lui le contemporain absolument exact de Louis XIV. C'est assez étonnant. Même date de naissance, même date de mort. Alors, partons sur les traces de ce bénédictin. Il s'appelle Pierre. Il est né à Sainte-Ménéhoud dans une famille aisée de 7 enfants. Il n'a jamais connu sa mère puisqu'elle est morte quelques mois seulement après sa naissance. C'était assez fréquent à cette époque. C'est son père qui donc l'a élevé. Son père s'était remarié d'ailleurs. Il est chargé du greffe de la prévôté. Il s'est remarié avec la fille d'un marchand. Le père, l'oncle de Pierre sont par ailleurs propriétaires de vignes. Et peut-être faut-il voir là un premier présage. Pierre est enfant de cœur à l'abbaye bénédictine de Moiremont. Vous voyez qu'il est quand même en quelque sorte prédestiné cet enfant. Mais il faut dire que sous l'Ancien Régime et notamment sous le règne de Louis XIV, cette prédestination est le lot de la plupart des contemporains. Il est ensuite élève au collège des Jésuites de Châlons-en-Champagne. À 20 ans, il entre au monastère bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes et Saint-Idulphe dans la Meuse. On est à Verdun. Il va prononcer ses vœux. Il faut dire que les bénédictins sont un peu les intellectuels de l'Église, vous savez, qu'il va recevoir une éducation tout à fait extraordinaire, une formation intellectuelle dont on peut dire qu'elle est exigeante. Lecture, poésie, histoire, théologie, bien entendu, prière, constamment. On est pour le moment encore bien loin du travail de la vigne et de la vinification du champagne, bien entendu. C'est un homme de science, si je puis dire, ce jeune Pierre Pérignon, au sens le plus large qu'on peut donner au terme de science. Au dire d'un contemporain, il était, je cite, « d'une science égale à son intelligence, d'un caractère charitable et conciliant, d'une délicatesse extrême ». Voilà peut-être le mot qu'il faut retenir à son propos. délicatesse. En 1668, il devient donc céleri à l'abbaye bénédictine Saint-Pierre d'Auvillé. On est là près de la ville d'Épernay. L'abbaye a été fondée, elle fait partie des toutes premières abbayes d'Occident, elle a été fondée dès le 7e siècle par Saint-Nivard et Saint-Berchier, c'est donc un lieu de pèlerinage, elle a déjà produit 9 archevêques de Reims, vous voyez un peu, on est dans un endroit, un haut lieu de la chrétienté. Pierre Pérignon, donc, est un jeune moine, et voilà que, alors il n'est, je le précise, hein, c'est un excellent moine, dit-on, mais il n'est ni vigneron, ni alchimiste à une période où c'est encore pourtant très répandu. Il assure simplement le contrôle des vignes et des pressoirs de l'abbaye, et pour cause, puisqu'il est célérier, je vous le disais. Enfin, il va le devenir, plus exactement, alors qu'il a une trentaine d'années. L'établissement ne compte à cette époque-là plus qu'une poignée de moines, et c'est pour eux très difficile de continuer à valoriser un patrimoine considérable, notamment un patrimoine foncier très important. Les caves, les pressoirs, tout ça est laissé plus ou moins à l'abandon. Et lorsque Pérignon, lorsque celui qui va devenir Dom Pérignon, devient célérier, alors là, vraiment, il a un énorme travail pour tout remettre en état. Et on voit cet homme qui, prudemment, tranquillement, mais avec une espèce de détermination, venue d'on ne sait où, est capable de remonter en quelque sorte toute cette abbaye, toutes ses caves, ses pressoirs, ses celliers, etc. Il a une obsession quasiment qui est d'améliorer la qualité du vin, évidemment, afin de le vendre plus cher, tout simplement. On a du raisin noir sur les vignes de l'abbaye et lui va se dire qu'il voudrait bien faire du vin blanc. Voici ce qu'écrit le chanoine Godinot dès 1718. On est là donc très peu de temps après la mort de Dom Pérignon. Il est vrai qu'il n'y a guère que 50 ans, dit-il, que les Champenois se sont étudiés à faire du vin gris et presque blanc. Tout le secret est là, bien entendu, et dans un instant, avec Nicolas Drabaudy, nous allons voir jusqu'où l'invention de Dom Pérignon était spécifique. Dom Pérignon, donc, fait déjà une petite quantité de vin blanc sur ses vignes, avec du raisin blanc, ce qu'on appelle le blanc de blanc, ça se vend très bien. Le vin rouge, lui, se vend nettement moins bien, donc on va essayer de l'éclaircir, et on va essayer de faire, à partir du raisin noir, un vin blanc. Mais tout le secret est là. Extrait de l'opéra bouffe La Péricole d'Offenbach. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Champagne, de sa création, de sa composition. En pressant très vite le raisin noir, on va donc produire un vin qui n'est pas tout à fait blanc, mais qui est gris à cette époque-là. Il n'est pas encore mousseux. C'est pas du tout notre champagne. On avait quand même remarqué, dès cette époque, la tendance qu'avaient certains crus de champagne, qu'on appelait les vins fous, qu'on appellera plus tard les sauts de bouchon. On avait remarqué leur tendance à mousser au printemps qui suivait la vendange. C'est un phénomène qui, pour les viticulteurs de l'époque, ne l'oublions pas, est d'abord une gêne. Évidemment, c'est très compliqué de gérer ces pressions de gaz, notamment lors des brusques changements de température. Il y avait des tonneaux qui faisaient sauter la bonde, ça vidait le contenu dans les celliers, enfin tout ça était bien embêtant. La véritable révolution œnologique, c'est la métamorphose du vin tranquille, comme on l'appelle, c'est-à-dire non effervescent, en vin mousseux. Ça suppose un certain nombre d'inventions, à commencer par l'invention de la bouteille, l'invention aussi du bouchon de liège, bien entendu. La légende dit que Dom Pérignon aurait été le premier à découvrir le moyen de faire mousser le vin de champagne en bouteille, en lui adjoignant, en ajoutant du sucre de canne, ce qui permettait de rendre le vin régulièrement effervescent et non plus de façon accidentelle. Là encore, je dis bien la légende, on va voir ce qu'il faut penser de tout ça, de cet ajout de sucre. À l'époque, les toutes premières bouteilles, ça c'est fondamental, vous savez, la bouteille on l'invente à la fin du XVIe siècle, enfin il en existait déjà au XIIIe, XIVe siècle, mais c'était plutôt des espèces de carafes. La bouteille en tant que telle, transportable, c'est la fin du XVIe, le début du XVIIe siècle, et à l'époque ces bouteilles on les bouchait avec des chevilles de bois qui étaient garnies d'une étoupe imbibée d'huile. C'était un procédé qui n'était pas très propre, il faut bien dire, et pas très esthétique. On avait eu l'idée déjà de couler de la cire d'abeille dans le goulot des bouteilles pour parfaire l'herméticité. Vous voyez que c'est un tâtonnement, bien entendu. On vient peu à peu à la solution idéale. Le problème, c'est qu'au bout de quelques semaines, la plupart des bouteilles de ce fameux vin fou se mettent à exploser, bien entendu. Elles ne résistent pas à la pression. Le sucre contenu dans la cire, semble-t-il, en tombant dans le vin, créait cette seconde fermentation. La pression était trop forte. Alors, comment contenir cette mousse? Comment éviter les explosions? Eh bien, Dom Pérignon réussit à garder le gaz carbonique prisonnier en fermant les bouteilles, et c'est là qu'intervient le fameux bouchon de liège. Alors, là encore, on est dans la belle légende de Dom Pérignon. On dit que ce sont deux moines espagnols qui séjournaient à l'abbaye. Ils étaient en chemin pour les Pays-Bas et ils avaient avec eux de l'écorce de liège. Et on dit que Dom Pérignon, découvrant cette matière incroyable et étant lui toujours très préoccupé par ces histoires de bouteilles et de fermetures, s'est dit que ça ferait un moyen extraordinaire de fermer les bouteilles. C'est peut-être lui prêter beaucoup quand même. Toujours est-il qu'il a eu l'idée, d'une part, d'utiliser des bouteilles au verre beaucoup plus épais, d'autre part, d'utiliser cette nouvelle matière du liège pour fermer les bouteilles. Et une fois fermées, vous savez qu'il faut les museler. Il y a évidemment sur la bouteille de champagne le fameux muselet, qui permet d'ailleurs d'y ajouter maintenant une capsule dont certains font collection. Bref, on est là en train de créer tout simplement le champagne que nous connaissons petit à petit. Alors, est-ce qu'il faut croire à cette légende du père de la méthode champenoise? Dans un instant, je vais poser la question à notre invité. Ce que je peux vous dire, c'est que la source de cette légende, elle est dans une lettre du dernier procureur de l'abbaye, qui évoque, plus d'un siècle après la mort du moine, le contrôle de la prise de mousse par Dom Pérignon. Alors, est-ce que c'est Dom Pérignon qui a découvert comment on fait mousser le champagne? Dans les faits, ce qui est sûr, c'est que Dom Pérignon a recherché le perfectionnement de l'élaboration de ces vins et qu'il a cherché et qu'il a réussi à faire cet extraordinaire vin blanc à partir d'un raisin noir. Il a aussi, et ça nous allons y venir dans un instant, il a aussi lancé la fameuse méthode des assemblages qui font la spécificité même du champagne, bien entendu. Donc vous voyez qu'il a joué, quoi qu'il arrive, un rôle absolument majeur. Ce qui est sûr aussi, parce que ça on a les traces dans les archives, c'est qu'en 1698, le premier cru de pétillant est mis en vente en tant que tel. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que jusqu'alors, on considérait ce pétillement comme un inconvénient. Et bien là, maintenant, on va en faire un argument de vente. C'est très tôt, hein. On nous dit parfois, c'est la veuve Clicquot, etc. Pas du tout. On est en 1698. Et puis, en 1700, on constate, donc ça va très très vite, dès 1700, on est donc 15 ans avant la mort de Dom Pérignon, on constate que ce vin pétillant se vend plus cher que le vin tranquille. Ah, là, ça c'est aussi une indication très intéressante pour nous. Est-ce que le succès des vins du fameux moine d'Auvillé est lié à cette pétillance? Sûrement pas. En vérité, tout ça est lié à la qualité de ces assemblages. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire du champagne et particulièrement au Dom Pérignon. Ce qu'avait compris Dom Pérignon au tout début, c'est qu'il était nécessaire de bien choisir le raisin, hein, les cépages. Et notamment, il avait trouvé le moyen de marier différents crus qui venaient de ces vastes propriétés. Vous savez, en Champagne, on n'est pas tout à fait comme en Bourgogne, c'est nettement moins morcelé. Mais tout de même, il y avait sur le territoire même de l'abbaye, des cépages, il y avait des vignes de nature, d'ancienneté, de sols différents. Tout ça donnait évidemment des vins qui étaient différents et qui ont été, à partir de là, mélangés de telle sorte qu'on arrive à créer un bon vin à partir des qualités complémentaires. Plutôt que de neutraliser ces qualités, on a cherché, quand je dis « on », c'est Dom Pérignon évidemment, il a cherché à les additionner pour donner quelque chose de plus complet, si vous voulez, qui ait plus d'amplitude. Il y avait sur la propriété de ces moines une quarantaine d'hectares de vignes. 40 hectares, c'est un grand vignoble, hein, c'était à l'époque le plus vaste de toute la Champagne. Et il était prévu que les vignerons versent, vous savez, aux moines ce qu'on appelait la dîme. C'est-à-dire qu'une partie, alors c'était pas un dixième en fait, on appelait ça la dîme parce que c'était l'ancien nom qui venait du Moyen-Âge, en fait c'était plus complexe. Là ça dépendait de toutes sortes d'accords entre l'abbaye elle-même et ses fermiers. Toujours est-il qu'on versait une partie des récoltes aux moines. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le sieur Dom Pérignon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était délicat. Il avait la délicatesse que donne parfois la mémoire. Vous savez, ça c'est étonnant. Il était capable de savoir à quel cru il avait affaire. Donc, il a un double talent, ce Dom Pérignon. Bon, d'une part, vous l'avez compris, c'est un homme audacieux qui aime innover. Mais il est capable, d'une part, de se souvenir de la provenance des différents tonneaux, pour parler simplement, et d'harmoniser les différents crus. Ça, c'est tout à fait étonnant. Voilà ce que nous dit l'abbé Noël-Antoine Pluche. Là, on est nettement plus tard, hein, il écrit ça en 1763. C'est la connaissance du bon effet que produisent les raisins de trois ou quatre vignes de différentes qualités qui a porté à la perfection les fameux vins de Sillery, d'Aille et d'Auvillé, nous dit-il. Le père Pérignon est le premier qui se soit appliqué avec succès à assortir ainsi les raisins des différentes vignes. Autant dire que notre Dom Pérignon est un assembleur avant l'heure, c'est un œnologue, si l'on peut dire, qui ne connaît pas encore son nom. C'est un peu comme M. Jourdain, il fait lui de l'œnologie sans le savoir. Il va comprendre tôt la nécessité de bien choisir son raisin, et chose essentielle, ça peut paraître un détail comme ça, mais c'est fondamental, il est le seul à le goûter. Il ne veut pas s'embarrasser de la vie d'un tel ou d'un autre. Son but est de savoir lui-même quels sont les éléments dont il dispose pour constituer littéralement son vin. Vous voyez que là, il y a une fabrication. On est dans une vinification. Le frère Pierre est l'élève et le successeur du père du champagne. Et voilà ce qu'il nous dit à propos de son maître. Le père Pérignon ne goûtait pas les raisins aux vignes, quoiqu'il y allât tous les jours à l'approche de la maturité. Mais il se faisait apporter des raisins des vignes qu'il destinait à composer la première cuvée. Il n'en faisait la dégustation que le lendemain à jeun, après leur avoir fait passer la nuit à l'air sur sa fenêtre, jugeant du goût selon les années. Non seulement il composait les cuvées selon ce goût, mais encore selon la disposition, les années précoces, tardives, froides, pluvieuses, et selon les vignes bien ou médiocrement fournies de feuilles. Tous ces événements lui servaient de règle pour la composition de ces cuvées si distinguées. On est bien là dans l'assemblage de cépages et de crus à part entière. Le champagne, comment s'en étonner, acquiert dès lors non seulement une très grande qualité, mais une réputation qui est le reflet de cette qualité. Vous savez que Dom Pérignon, peu à peu, va perdre la vue. Il devient aveugle. Et peut-être même que cette cécité-là est à l'origine de l'incroyable subtilité de sa perception, de son odorat, de son goût. En tout cas, le vin du Père Pérignon a désormais une telle réputation d'excellence qu'avant même la mort de Louis XIV, il est servi à la table du roi. Il va devenir une sorte de must, si j'ose employer cet anachronisme, et sur les grandes tables royales, princières, aristocratiques, on va se mettre à priser le fameux, le précieux breuvage. Je vous ai dit que Dom Pérignon meurt en 1715. Il a l'honneur d'être enterré dans le cœur de l'église abbatiale. Et on peut lire sur sa pierre tombale, ça vaut la peine d'être dit. Voilà son épitaphe. Sigit Dom Pierre Pérignon pendant 47 ans célérié de ce monastère qui, après avoir administré les biens de notre communauté avec un soin digne de tout éloge, plein de vertu et en premier lieu d'un amour paternel envers les pauvres, décéda dans la 77e année de son âge en 1715, qu'il repose en paix. Amen. Ça, c'est une sorte de leçon que nous donne le XVIIe siècle. On mettrait aujourd'hui sur la tombe d'un tel homme qu'il est l'inventeur de la méthode champenoise. Évidemment, il n'en était nullement question à l'époque. Le seul éloge et le plus beau qu'on puisse faire de Dom Pérignon au XVIIe siècle, enfin au tout début du XVIIIe plus exactement, c'est de dire qu'il était d'un amour paternel envers les pauvres. Bonjour Nicolas Drabaudy, merci beaucoup d'être Bonjour. Avec nous. Vous êtes un des grands connaisseurs du champagne et vous allez nous faire profiter de vos lumières dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, d'un breuvage qui risque de couler à flot ce soir, c'est le champagne. Vous nous en parlez avec votre invité, Nicolas Drabaudy, chroniqueur de gastronomie et écrivain du vin. L'un de ses livres s'appelle « Champagne, le guide aux éditions Hermès ». Alors ce qui est extraordinaire, Nicolas Drabaudy, et nous allons revenir ensemble sur Dom Pérignon et sur ce qu'il faut croire ou non de la légende de l'invention du champagne, toujours est-il que le succès est immédiat. En 1739, au moment du grand bal masqué donné pour carnaval par la ville de Paris, bal auquel Louis XV participe incognito d'ailleurs, on dit que 1800 bouteilles de champagne ont été consommées. Ça avait été le cas déjà pendant la Régence, et l'on sait que Madame de Pompadour disait du champagne qu'il était le seul vin qu'une femme pouvait boire sans s'en les dire. C'est le grand vin du XVIIIe siècle, en vérité. Bien sûr, d'abord, c'est le vin de Louis XIV, eh oui. N'est-ce pas ? Et on sert au roi le meilleur du meilleur. Or, le meilleur du meilleur, c'est le vin d'Auvillé. Le vin d'Auvillé, d'abord, parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, un terroir de 40 hectares au-dessus d'Épernay, c'est-à-dire c'est la Côte des Blancs. C'est la crème des raisins. Et le père abbé, qui doit faire vivre l'abbaye de son travail, d'abord pour la messe, et deuxièmement pour le vendre. Pour le vendre, il y a une trentaine de moines qui vivent des revenus de l'abbaye. Le génie du père abbé, c'est l'assemblage. Vous l'avez dit parfaitement, c'est-à-dire qu'il a cette idée créatrice de goûter les raisins d'origine différente, puisque la dîme lui apporte, on lui apporte des paniers de multiples villages, de la Côte des Blancs, c'est-à-dire la crème, et qui va avoir l'idée génial de les presser les uns avec les autres, c'est-à-dire de commencer l'assemblage. Ça, c'était vraiment incroyable. Personne n'avait fait ça avant lui. Là, il est, de ce point de vue, on peut dire qu'il est innovant, vraiment. C'est le génie pur. Ah ouais. Le père est un vigneron de grande qualité. De grande qualité. Il voit bien, quand il goûte, que les raisins d'Ailly, de d'Auvillé ou de Chouilly n'ont pas le même goût. Ils sont plus ou moins sucrés, plus ou moins acides, plus ou moins verts, selon la maturité. Et donc, lui, dans le pressoir, il met ça. Ce qui va donner un mou d'une extraordinaire parfum et d'un goût délicieux, n'est-ce pas ? Rafraîchissant, goûteux, qu'on peut boire à satiété. C'est peu de degrés. La gloire du champagne, c'est que c'est 12 degrés. Pas 14 degrés ou 15 degrés pour les vins rouges d'aujourd'hui. Exactement, on fait descendre le titrage, en fait. C'est ça. D'autre part, la couleur a peu d'importance, puisque le vin du Père Abbé est le rival des vins de Beaune. Donc il a des couleurs qui sont œil de perdrix, comme on dit. Un peu rouge, un peu blanc, vous voyez, les couleurs, c'est très difficile à obtenir une couleur. Ça va être une des grandes obsessions des œnologues futurs, des grandes marques, c'est quelle est la couleur de mon vin ? Est-ce qu'il est rose ? Est-ce qu'il est vert ? Est-ce qu'il est doré ? C'est pas ? Donc le père abbé, il livre ce qu'il a. Et personne ne vient le critiquer, d'autant que tout le monde veut du vin de l'abbaye d'Auvillé. Alors on peut dire que dès Dom Pérignon, les trois grandes caractéristiques du champagne sont déjà posées. Un vin blanc obtenu à partir d'un raisin rouge, oui, ça c'est quand même fondamental. Un vin d'assemblage à partir de plusieurs cépages. Et puis un vin qui, évidemment, ça tout le monde le sait, qui pétille. Alors, donc c'est un vin saut de bouchon. Oui. Hein. Donc pour le père abbé, le vin qui éclate, le vin qui pétille, c'est un scandale. Eux, ils font des vins. Le vin ne doit pas pétiller. Le vin est le vin de la messe. Imaginez-vous servir la Sainte Messe avec du vin qui pétille, qui explose et tout ça. Pour lui, c'est une horreur. C'est pas, on ne fait pas ça. Donc la pétillance, elle va venir naturellement de la fermentation dans les bouteilles qui vont intervenir un peu plus tard, puisque la bouteille est le contenant idéal et c'est grâce à la bouteille que le vin va devenir champagne. Alors je me fais l'interprète de nos auditeurs qui évidemment se demandent le rapport entre Dom Pérignon, le bonhomme, et puis le champagne actuel Dom Pérignon. Ça c'est une cuvée simplement, si vous expliquez ça. Très bonne question. La maison Moëté-Chandon, qui est la plus grande maison de champagne, qui produit 30 millions de bouteilles, a acquis, avec le champagne Mercier, Dom Pérignon, qui a acquis l'abbaye et le droit de disposer de la marque. Le champagne Dom Pérignon est créé au XXe siècle. En 1936, ce sont les premières bouteilles faites avec du vin de 1921. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi, justement, ce... Eh bien, c'est une idée d'un des Mouettes. Et donc une idée de millésime, Mouettes, là, pour le coup. De faire des cuvées du père abbé, dont ils sont propriétaires, pour honorer un marchand américain. On fait 100 caisses pour honorer un importateur américain, n'est-ce pas, qui reçoit ses 100 caisses. Et le vin est tellement bon que des revues anglaises, comme l'ancêtre de Décanter, vont s'intéresser à ce vin. Et c'est de là que part la formidable destinée du plus fameux des grands champagnes, c'est-à-dire Dom Pérignon, qui fait maintenant... C'est secret d'après la maison Mouette, mais on sait quand même que c'est au moins 5 millions de bouteilles. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc oui, ça, c'est énorme. C'est plus du tout sans caisse, là. Non. C'est une grande marque. C'est la plus grande des marques, avec des marques de cuvées spéciales, c'est-à-dire cuvées de luxe. Voilà. Alors, il faut dire qu'en 1961, on va, au moment du repas donné à l'ambassade américaine à Paris pour le général de Gaulle, par le président Kennedy, on sert du Dom Pérignon 49. Oui. Et puis en 1981, je donne quelques exemples seulement. On pourrait en citer comme ça des dizaines. Hein. Mais en 1981, pour le mariage du prince Charles avec Lady Diana Spencer, on sert également du Dom Pérignon. Enfin bon, c'est devenu évidemment... C'est la cuvée de luxe par excellence. Le champagne des grandes occasions. Quoi, hein, de luxe par excellence. C'est la cuvée pour une grande soirée de Noël ou du printemps. C'est la cuvée de luxe. Et ça vous pose la personne qui vous offre ça. Voilà, c'est un beau cadeau. C'est en plus l'incarnation du père abbé, hein, le génie de la champagne, sans qui probablement la champagne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si vous ouvrez, je parle là à nos auditeurs, en tout cas ceux qui peuvent s'offrir une bouteille ou plusieurs de Dom Pérignon, quand vous ouvrirez la prochaine, songez au père abbé d'Auvillé, car il a vraiment fait un travail extraordinaire. Le champagne a une grande vertu, c'est qu'il est symbolique, n'est-ce pas ? Il a un contenu de valeur historique et de valeur humaine. Alors, Dom Pérignon meurt en 1715. Nous venons de voir que dès les années 1720, avec la Régence, 1730, début du règne de Louis XV, 1740, avec la faveur de Madame de Pompadour, qui était, dit-on, une fervente du champagne. Elle en buvait tout le temps. Elle ne buvait que ça, d'ailleurs, il faut le préciser. Le champagne devient le breuvage des rois. Oui, il y a donc royales, ça, c'est absolument, des cours royales. D'abord, parce que les champenois ont eu cette vertu d'exporter leur vin. N'est-ce pas ? Toutes les grandes marques, commencées par Ruinart, la première, 1729, ces gens-là, ils courent le monde pour vendre le vin. Ce n'est pas en France qu'on va vendre l'essentiel des cuvées produites à Reims, à Épernay, à Châlons. C'est à l'export. Et d'abord en Angleterre. Les Anglais sont les plus grands consommateurs de champagne avec les Français, puisqu'ils consomment, on envoie tous les ans 30 millions de bouteilles. Hein, ça, c'est quand même... L'Angleterre est le grand pays du champagne, le grand pays amoureux du champagne, incarné par Sir Winston Churchill, qui avait sa marque à lui, qui s'appelait Paul Roger. Qui s'appelle toujours Paul Roger, voilà. Bien entendu. Ce qui est étonnant avec les Anglais, c'est que ce sont eux qui ont fait la fortune des grands vins de Bordeaux. Absolument. Ce sont eux qui ont fait la fortune des vignobles de Porto, au Portugal. Ce sont eux qui font la... On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un mets de luxe ou un breuvage extraordinaire, ce sont les Anglais qui se l'approprient en quelque sorte. Et ne parlons pas du whisky. Ah, bien sûr, évidemment. Donc en fait, les Anglais, c'est un pays de buveurs. Oui. C'est un pays de buveurs qui ne cessent pas de boire et qui boivent très bien. Ils boivent beaucoup, mais bien. Et je dirais, pour plagier notre slogan habituel, sans modération, hein, généralement. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Oui. On peut dire qu'au XVIIIe siècle, le vin de Champagne se répand donc d'abord par les cours royales. On commence déjà à l'exporter. Oui. Ça, c'est très intéressant. Il y a une dimension marchande, commerciale, qui vient se plaquer, si je puis dire, sur les réseaux habituels, en fait. Hein. Toutes les grandes marques historiques qui ont fondé la Champagne ont eu des personnages historiques qui ont voyagé. Charles Hetsick, il va en Amérique pour vendre son vin à l'époque de Lafayette et un peu plus tard, et il est fait prisonnier, n'est-ce pas? Ils ont des vies d'aventuriers. Imaginez les gens qui produisent du Môme qui vont à Cuba avant la révolution cubaine, n'est-ce pas? Exporter, c'est la vie du champagne, vous l'avez dit tout à l'heure, puisqu'on exporte 50% de la production, ce qui est complètement énorme. Il faut trouver des marchés qui vous prennent 150 millions de bouteilles, vous voyez? Hein, et c'est un vin quand même très spécial, qui est fragile, en même temps qu'il est résistant, hein, parce que quand vous l'emportez sur les quais de la Havane, qu'est-ce que devient le vin, vous voyez, hein, la chaleur, le transport et tout ça. Et puis les dangers physiques, exporter du vin avec des carrosses, vous voyez, il y a tout un risque magnifique. Et c'est pourquoi les grandes marques ont été fondatrices du champagne. On peut dire aussi que ce champagne a partie liée avec la vie de l'esprit, d'une certaine manière. Je citais tout à l'heure Voltaire. Il faudrait citer alors un nombre incroyable d'écrivains, de philosophes, etc. Il y a des gens qui ont été des fanatiques du champagne. Je pense à Balzac, je pense beaucoup plus proche de nous à Frédéric Dard, évidemment. Et surtout Ernest Hemingway. Mais Hemingway. Hemingway, c'est le premier écrivain dans les années 60 qui, dans ses livres, cite les marques qu'il boit. Ouais. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne boit pas n'importe quoi, hein, on boit des marques, c'est Perrier Jouët, Môme, dans les romans, notamment Il à la dérive, il est un fanatique de ça, il a appris le champagne et le reste, d'ailleurs avec les barmen, hein, avec les barmen, notamment les barmen du Ritz. Hein. Et non, alors les musiciens aussi, hein, Beethoven déjà était passionné de champagne. Alors Wagner dit au moment de l'échec de Tannhauser à Paris, vous savez, ça a été un des moments pénibles de sa carrière. Tannhauser ne plaît pas du tout, en tout cas dans un premier temps au public de l'Opéra de Paris, et il se réconcilie avec la France. Il dit le vin de champagne est la seule chose qui me redonne le goût à la vie. Et Winston Churchill se fait rabrouer par la reine parce que il a pas donné son rapport annuel et il dit à la reine, Majesté, j'attends 12 bouteilles de champagne, comme ça je pourrai continuer à produire un texte honorable pour vous. Alors le champagne, c'est bien beau, mais quels sont les grands noms du champagne? Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Ceux qui inventèrent le champagne le firent pour vous et moi. C'est évident, je crois. Ceux qui inventèrent le champagne savaient sans en douter qu'on allait s'envoler au ciel sur les ailes du champagne pour crier aux passants jaloux. Depuis les premiers temps, personne absolument n'a jamais eu le cœur aussi content que nous. Je crois, ceux qui inventèrent le champagne savaient sans en douter qu'on allait s'envoler au ciel sur les ailes du champagne pour crier aux passants jaloux. Depuis les premiers temps, personne absolument n'a jamais eu le cœur aussi content. Un extrait de la comédie musicale Gigi, c'était ceux qui inventèrent le champagne, le breuvage dont vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec votre invité Nicolas de Rabaudy, chroniqueur de gastronomie et écrivain du vin, et qui a écrit notamment Champagne, le guide aux éditions Hermès. Tout à l'heure, Nicolas de Rabaudy, pendant une interruption, vous me disiez que Charles Quint déjà avait un pressoir de vin d'ail. Hein, oui, oui. Vin d'Aï, comment doit-on dire Aï? Aï, c'est la capitale du champagne, tout autant que Reims, Épernay, Chalon, et on peut dire aussi Troyes. Mais Aï, c'est le raisin est magnifique. C'est pourquoi Charles Quint et Henri IV avaient un pressoir là-bas, c'est-à-dire ils avaient une réserve. Hein, tous les ans, on leur fournissait des bouteilles, des flacons, des magnums, etc. Donc, vraie antériorité hein, quand même. Là, Aï, c'est un grand village. N'est-ce pas ? La Champagne a 300 villages viticoles qui produisent du vin, hein, mais Aï, c'est un des plus grands. Voilà. Quand on pense que déjà les Romains faisaient du champagne dans cette région, alors les Gallo-Romains, devrais-je dire. Alors, est-ce qu'il y a une... Enfin, je pose une question, je connais la réponse, mais il est évident qu'il y a une appellation, il y a un domaine très circonscrit pour faire du champagne. On ne peut pas faire du champagne n'importe où. Oh là là, très bonne question. Il n'est de champagne que de la Champagne. Ça veut dire que c'est limité à 33 000 hectares, dans le nord de la France, le nord-est, un climat très difficile, il est très périlleux de faire du champagne dans une région froide, n'est-ce pas ? Mais on arrive quand même à en produire tous les ans, hein, plus de 300 millions de bouteilles, et chaque village a sa spécificité qualitative, n'est-ce pas ? Faire du vin à Chouilly, c'est pas comme faire du vin à Haï, hein, c'est pas comme faire du vin à Trépaille ou à Ambonnet. Tous ces villages ont des caractéristiques œnologiques spécifiques. Alors ça se passe comment d'un point de vue concret ? C'est-à-dire que chaque viticulteur va soigner sa propre récolte et ensuite il l'envoie à une maison. Parce que alors, où est fait l'assemblage ? C'est ça la question. Alors, il y a 15 000 viticulteurs. Ces 15 000 viticulteurs produisent 80% des raisins, 80% des moûts. Ces moûts sont vendus à un prix fixé au début septembre, aux alentours de 6 euros. Le kilo, ces vins sont vendus aux grandes maisons historiques qui ont fondé la Champagne, c'est-à-dire Ruinart, Moët-et-Chandon, Moum, Charles-Hetzig, Piper-Hetzig, Cliquot, tous ces raisins. Ces maisons n'ont peu de vignobles, ont très peu de vignobles, et pour certaines, pas du tout. Voyez, il y a des maisons qui ont 10 hectares. Donc il faut négocier avec des vignerons avec lesquels on passe des contrats annuels de fourniture de ce qu'on appelle de livraison du raisin. Voilà, c'est ça le principe, d'égalité entre le négoce et les vignerons. Donc, après cela, il y a encore ceux qui vont écouler, si je puis dire, ce champagne. Alors, il y a des réseaux de distribution. Bien sûr. Donc, ce sont les grandes marques qui ont fait la distribution mondiale et qui ont créé la notoriété des vins, n'est-ce pas ? Et où boit-on du champagne en dehors de la France et de l'Angleterre ? Vous nous avez dit que alors, ça, c'est les deux grandes destinations. 120 pays. Ah oui. Le champagne est un vin mondial. Mais alors, quand on est aux États-Unis, par exemple, moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, on boit volontiers du champagne, mais si vous regardez bien, c'est presque jamais du champagne. C'est un vin mousseux qui n'est pas... Contrefaçon. Voilà, c'est ça. Contrefaçon, imitation. Je ne veux pas citer un champagne, un faux champagne. C'est des faux. C'est pas le champagne n'est que de la champagne, avec le terroir, avec la craie, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, en Californie, il y a des vins mousseux, mais ils n'ont pas le droit de s'appeler champagne. Il y a des combats magnifiques menés par le comité interprofessionnel des vins de champagne d'Épernay contre ces gens-là. Les Japonais faisaient un faux champagne, c'est interdit maintenant. Donc on passe des contrats, on les traîne devant les tribunaux pour arrêter de perturber l'histoire de la champagne française. Quand vous allez à Reims ou à Épernay, que vous avez la chance de visiter les extraordinaires caves. Il faut dire un mot de ça, hein. Ce sont des monuments, les caves. Les caves de Moum, par exemple, ce sont des kilomètres de galeries souterraines. Oui, des classés monuments historiques, c'est comme celle de Ruinart, gallo-romaine, n'est-ce pas ? D'une grande fragilité et en même temps qui résiste au temps. Et le vin mûrit, là, n'est-ce pas ? C'est pourquoi il a ce goût si frais, la fraîcheur de la craie. Alors venons-en au grand nom, justement. Vous nous dites Ruinart. Ruinart, c'est la doyenne des marques. Hein. Voilà. Ruinart, c'est la première, 1729. Nicolas Irénée Ruinart, qui est drapier. En fait, dans cette région, à Reims, il y avait de grandes foires nationales dans lesquelles le textile était prioritaire. On vient là-bas pour faire des vêtements, pour tisser le textile. Et les négociants qui viennent là boivent le vin de la région, n'est-ce pas ? Comme on boit du vin pour les sacres royaux, tout le monde boit le vin de la région d'Épernay, puisqu'il y a des vignes qui sont là, dans des coteaux magnifiques, pentus et tout. Donc Nicolas Irénée Ruinart, il boit ce vin-là et il entreprend de commercialiser des raisins magnifique, et donc c'est la première marque, suivie après d'une trentaine ou quarantaine de marques. Alors il y a de grands noms, j'avais raconté à ce même micro il y a quelques années la saga de la veuve Cliquot, qui était un personnage incroyable. Elle est allée vendre, elle, son vin jusqu'en Russie. Oui. Elle a compris que la cour de Russie était finalement peut-être la plus occidentale des cours, paradoxalement, et que les tsars seraient vite des passionnés de champagne. Elle avait très bien compris. C'est la vérité absolue, n'est-ce pas ? On peut considérer que elle a ouvert le marché russe avec Red Rare, puisque Red Rare vendait, au début du XXe siècle, 300 000 bouteilles en Russie. Je me demande s'ils vendent actuellement 300 000 bouteilles en Russie, vous voyez. Donc, et en plus, les tsars le boivent au dessert, c'est-à-dire au dessert, ça n'en finit pas toute la nuit, comme les maîtresses de Louis XV d'ailleurs, toute la nuit, et le vin est sucré. Le vin contient 200 grammes de sucre, donc c'est un goût qui était le goût de l'époque. Le champagne change de goût selon les nations et selon l'histoire. Vous qui êtes un esthète et un gastronome, Nicolas Drabaudy, vous avez sans doute remarqué qu'en ce moment, depuis 2 ou 3 ans, c'est l'inverse qui est en train de se passer et que de plus en plus, on nous remplace le champagne dans certaines occasions par de la vodka. C'est la mode, là, en ce moment. Comme si les Russes nous renvoyaient en quelque sorte leur vodka. Alors, si vous voulez, il y a de la vodka dans les pays de l'Est, bien sûr. La vodka est probablement l'eau de vie la plus distribuée dans le monde avec le whisky. Hein. La vodka en plein boom, ça n'a pas du tout le même effet que le champagne. Le champagne est le vin de la joie, de la gaieté, de l'amour. C'est le vin, à la fin de la journée, qui crée la césure entre votre moment de travail et le moment d'apaisement, de retrouvailles de sa famille et de gaieté. Le champagne apaise, n'est-ce pas ? Apaise, c'est ça. C'est les vertus de la champagne et du champagne sont innombrables. Innombrables. Alors, on a cité un certain nombre de grands noms. Il y en a un qui est passé un peu vite tout à l'heure. Vous nous avez parlé de Charles Etzik. Il faut dire qui était ce bonhomme. Quand même. Charles Etzik, c'est l'aventurier typique. Charles Etzik, il a une marque, donc à Reims, et il court le monde, et il va surtout en Amérique, parce qu'en Amérique, il y a 50 États, donc il y a un marché qui est absolument phénoménal. Mais très souvent, d'abord, il n'a pas de droit, il n'a pas de visa, hein, n'est-ce pas ? Et donc, il est mis en prison, il échappe de peu à la peine capitale, et finalement, il réussit à s'en sortir. Il y a beaucoup de personnages qui ont fait ça, vous voyez, qui ont risqué leur vie, leur peau, et en Europe aussi, les gens qui allaient en carrosse vendre du vin au fin fond de l'autre. Autriche, vous voyez, et en Allemagne, très grand pays consommateur, puisque beaucoup de marques sont d'origine allemande. Vous avez cité Mumm, mais Radler, Krug, tout ça, c'est des Allemands ou des gens du nord de l'Europe qui sont venus avec les armées, d'ailleurs. Oui, nous avons consacré il y a quelque temps une émission à l'occupation allemande à la télévision, et l'un des problèmes, c'est que nous avions presque des bouteilles de champagne des bouchons de champagne en train de sauter à toutes les images. Hein, dans une certaine société de l'occupation, auprès des Allemands, on buvait beaucoup de champagne. Bien sûr. En 1943, les grandes maisons de champagne expédient 300 000 bouteilles, donc faites, récoltées par des femmes, 300 000 bouteilles en Allemagne. Et un vertige considérable. Et je ne vous dis pas ce qui se passait au Ritz, qui était ouvert, comme vous le savez. Comment faut-il vivre l'explosion du nombre de bouteilles vendues dans le monde depuis une vingtaine d'années ? C'est-à-dire que là, on atteint des sommets incroyables. Comment la même région peut-elle fournir de telles quantités ? C'est une très bonne question. Merci. Puisque la qualité va-t-elle de pair avec la quantité ? C'est ça ? Voilà, ça c'est une vraie question, puisque en 1970, on produit 150 millions de bouteilles, et maintenant le double, vous voyez ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, l'œnologie. Le travail en Champagne, il y a 350 œnologues, alors qu'en 1970, il y en avait 20, qui étaient tous chez Moët-et-Chandon d'ailleurs. Donc maintenant, le travail sur les vignes, le travail dans les caves, le travail sur la bouteille, le laboratoire Mouette occupe 30 personnes qui passent leur temps à examiner des raisins, examiner la floraison, examiner les dates de vendange, examiner les températures, les maturités. Donc le travail est considérable. Il y a pour des accompagner savants. Cette quantité, c'est Et ça. Bien sûr. Puis sinon, vous ne le vendriez pas. J'ai eu la chance, il y a quelques années, d'assister au dîner du centenaire de la maison Krook. Et on avait dégusté ce soir-là des millésimes absolument incroyables, dont certains très très anciens, des années 1920. Oui. Et j'avais découvert, disons-le, que le champagne peut devenir une sorte d'art. Oui. Et le conseil, alors évidemment, on va encore dire oui, c'est très élitiste ce qu'il nous dit, mais quand même, puisque nous sommes le 31 décembre et que ce soir, les gens, pour la plupart, vont faire réveillon, et même ceux qui ne feront pas réveillon, si vous êtes tout seul, offrez-vous une bouteille de champagne après tout. Est-ce que ça n'est pas le moment d'essayer de boire autre chose que... Alors, il y a de bons champagnes dans toutes les marques que vous avez citées, mais d'essayer des champagnes d'exception, des grands crus de champagne, parce que c'est plus du tout la même chose. Alors, c'est une expérience. Absolument. Les champenois ont baptisé grande cuvée, ou cuvée spéciale, c'est-à-dire la crème de la crème. Une grande cuvée, c'est 10 à 15% de la production d'une marque, vous voyez. Par exemple, le blanc des millénaires, qui est la grande cuvée de Charles Etzik, qui est un vin absolument admirable, n'est-ce pas ? Ça représente 10 à 15% de la production. C'est la crème, c'est là où il y a les meilleurs raisins. Le meilleur vieillissement, le vieillissement le plus lent, le plus long, vous voyez, où les vins ont le temps de maturer en cave, de se faire, vous voyez. Donc, il est évident que pour un soir comme celui-ci, il faut prendre une grande cuvée. Il faut choisir ça, parce que là, vous allez vous régaler deux fois plus. Le problème, c'est comme c'est très bon, il faut une deuxième bouteille ou une troisième. C'est ça, généralement, c'est le problème. Champagne, le guide, c'est publié chez Hermé, et c'est écrit avec toute la verve que vous venez de découvrir chez Nicolas Drabaudy. Merci beaucoup. Merci. Bon réveillon à tous, également, et bien entendu, c'est la mention légale, mais je le dis très sincèrement, n'oubliez pas que tout ça doit être consommé avec modération. Et après le champagne, nous restons dans le thème de la fête, puisque dans un court instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Quentin. Il souhaite en savoir plus sur la tradition de la Saint-Sylvestre. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et avant Franck de vous rappeler la question de Quentin, j'en profite pour rappeler à nos chers auditeurs qu'ils peuvent aussi faire comme Quentin et nous envoyer leurs questions pour notre retour aux origines. Ils peuvent le faire par mail sur europe1.fr ou encore, comme l'a fait Quentin, via la page Facebook de l'émission. Et sa question, nous y venons Franck. Quentin souhaite savoir, depuis quand fête-t-on la nouvelle année entre le 31 décembre et le 1er janvier, le fameux réveillon de la Saint-Sylvestre ? Ce réveillon de la Saint-Sylvestre nous paraît une évidence et on est tellement habitué à ce que l'année commence le 1er janvier. Mais dites-vous que ça n'a pas toujours été le cas et c'est pourquoi la question de Quentin est très pertinente. En fait, le passage à la nouvelle année, pendant très longtemps, s'est fait le 1er mars. C'était d'ailleurs, comme par hasard, le moment de la reprise des travaux agricoles. Vous savez que les Romains organisaient la fête des Lupercales une quinzaine de jours avant pour purifier les âmes. En quelque sorte, il s'agissait de remettre les compteurs à zéro, si je puis dire, avant d'affronter une nouvelle année. Ça s'est perpétué pendant assez longtemps et en France, encore à l'époque mérovingienne par exemple, on passe à la nouvelle année le 1er mars. Sous Charlemagne, ce sera plutôt le 25 décembre. Et puis, les premiers rois capétiens vont essayer de faire coïncider le nouvel an avec les fêtes de Pâques. Et à ce moment-là, le nouvel an devient le 1er avril. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on fait des fameux poissons d'avril, vous savez, le 1er avril, c'est un vestige, c'est un vieux souvenir de l'époque où l'on s'offrait des étrennes à un premier de l'an qui était au printemps. En vérité, d'ailleurs, le printemps était bien la première saison. Alors, c'est sous le règne de Charles IX que le nouvel an va être définitivement fixé au 1er janvier, ce qui est du reste conforme aux volontés de Jules César lorsqu'il avait institué en 46 avant notre ère le calendrier julien. Charles IX accepte cette nouvelle date, c'est en visitant ses provinces qu'il réalise que le pays est complètement divisé. À Lyon, le nouvel an est célébré le 25 décembre, ailleurs c'est le 25 mars, le jour de Pâques, enfin bon... Il va instituer l'édit de Roussillon, qui est signé le 9 août 1564, donc près de Grenoble, et le 1er janvier devient à ce moment-là, officiellement, de manière généralisée dans tout le royaume, le premier jour de l'année. Vous savez qu'en 1622, le pape Grégoire XIII va élargir cette pratique à tous les pays de la chrétienté avec le nouveau calendrier grégorien. Certains pays ont conservé évidemment leur tradition. Le plus célèbre, celui qu'on cite toujours, c'est la Chine, qui n'a pas grand-chose à voir avec ces questions très occidentales, et où le premier de l'an est fêté plutôt entre le 21 janvier et le 20 février. Mais ça nous entraînerait beaucoup trop loin. Nous sommes bien contents, nous, puisque nous en avons maintenant l'habitude, que le 1er janvier soit le 1er janvier et le 31 décembre, le 31 décembre.